vieux crapaud de la nuit glauque sous la lune de fiel et d'or. C'est lui là-bas dans les roseaux, la morne bouche à fleur des eaux, qui rauque là-bas dans les roseaux. Ses yeux immensément ouverts sur les minuits de l'univers, c'est lui dans les roseaux, le vieux crapaud de mes sanglots. Quand les astres à l'horizon semblent des taches de poison, écoute, il sera du fer par l'étendue toujours. Là-bas dans les roseaux, monotone à fleur des eaux, monotone comme des cons, monotone s'en vont. Sont monotones par les automnes. Les nuits ne sont pas assez longues pour que tarissent avant le jour profond les mornes sons et leurs diphtongues lentes et longues. Ni les hivers assez mordants avec leur triple rente dans gel, givre et neige, pour que ne montent plus en long cortège les lamentables lamentos du vieux crapaud de mes sanglots.